Le comité central de la Fédération générale des syndicats de Corée a envoyé le 5 juin une lettre à la Fédération des unions syndicales et à la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques de Corée du Sud qui ont proposé d'ouvrir le 15 août prochain à Séoul, à travers la déclaration commune du 1er mai, le match de football des ouvriers nord-sud pour la réunification. En voici le résumé. Nous adressons à vos organisations les salutations fraternelles cordiales pour avoir consenti les efforts visant à promouvoir la réconciliation et l'union nationale ainsi que la réunification indépendante. À travers votre déclaration commune publiée le 1er mai, nous avons éprouvé une nouvelle fois de plus la volonté immuable pour la réunification des ouvriers sud-coréens qui sont décidés à ouvrir à la tête de tout le monde la nouvelle époque de la réunification indépendante grâce à la solidarité et à la cohésion des ouvriers nord-sud, tout en maintenant le drapeau du 15 juin sans égard au changement de la situation. Bien que les rapports intercoréens s'aggravent en pire état à cause des défis des forces sécessionnistes du pays et étrangers, et que les dangers de guerre augmentent au fil des jours, personne ne peut fléchir les vœux et la volonté des ouvriers nord-sud pour la paix et la réunification. Nous soutenons entièrement le projet d'ouvrir à Séoul le 15 août de cette année le match de football des ouvriers nord-sud que vos organisations ont promis déjà devant la nation et d'organiser à cette fin le comité de promotion du match susmentionné. Nous profitons de cette occasion pour vous proposer d'effectuer à la dernière décade de mai prochain en Chine ou à la date et à l'endroit conforme à vos organisations, le contact de travail des trois organisations ouvrières nord-sud afin de discuter de tous les problèmes liés à l'ouverture fructueuse du match de football des ouvriers nord-sud du 15 août pour la réunification et à l'organisation du comité de promotion conjoint. La réussite du nouveau match de football des ouvriers nord-sud pour la réunification le 15 août de cette année à Séoul, à la suite de celui d'octobre de l'année passée à Pyongyang, sera une occasion de grande portée, inspirant de la confiance et de l'optimisme en la paix et la réunification à toute la nation et engageant dynamiquement tous les membres de la nation en mouvement pour la réconciliation, l'union, la paix et la réunification. Nous espérons la réponse positive de vos organisations.